L'introuvable assassin, une enquête de Toto Fouinard par Jules Lhermina. Chapitre 1er. Comment on se rencontre. Fouinard était enchanté et il venait de signer un engagement au Châtelet pour reprendre, dans le tour du monde en 80 jours, le rôle de passe-partout qui était tout à fait dans ses cordes. Il était midi, heure où il avait faim. Il traversa le pont et vint déjeuner dans un petit restaurant en face du palais de justice. Puis, après le café, agrémenté d'un aimable pousse-café, l'envie lui vint d'aller faire un petit tour à la correctionnelle. D'esprit observateur, il aimait étudier sur place les incroyables types qui défilent devant les juges de la 9e chambre. Il revenait, ému le plus souvent, d'une profonde pitié pour les pauvres bougres que le moulin à café, nom qu'on donne volontiers à la machine à juger, rapide et ne s'interrompant pas, écrasait imperturbablement et avec une sinistre insensibilité. Certes, il était de ces misérables fort peu intéressants, voleurs d'habitude, récidivistes invétérés, clients de maisons louches ou d'assommoirs immondes. Et justement, ce jour-là, quand Fouinard eut pénétré dans la salle d'audience, il vit au banc des accusés de tristes déchets d'humanité. On jugeait des flagrants délits, comme la veille ou l'avant-veille, dans les 3 jours au plus. Et vraiment, il eût été trop naïf de réclamer grande indulgence pour les bons hommes qui étaient là. L'un, un cocher qui avait assommé son cheval à coups de manche de fouet, avec une telle brutalité que la foule s'était jetée sur lui et l'avait livré aux agents. C'était une brute qui, aux questions du président, répondait par des espèces de grognements inintelligibles. 2 mois de prison. Puis un gamin, voleur à la tire, prit la main dans la poche d'une dame aux approches d'un bureau d'omnibus. Cynique, insolent, confié au bon soin de l'administration pour maison de correction. Un troisième, celui-là, un grand gars tout à fait hirsute, avec une barbe roussâtre qui lui montait jusqu'aux yeux et des cheveux embroussaillés qui lui tombaient jusqu'au nez, les 2 mains enveloppées dans un pansement. Complètement ivre, il s'était amusé à casser à coups de poing le soir la glace de devanture d'un magasin, se blessant horriblement. Couvert de sang, les agents avaient voulu l'emmener au poste. Il avait cogné avec une rare impétuosité en vociférant les injures les plus ordurières. Cependant, le président essayait de l'amener à quelque expression de regret. L'homme tenait la tête baissée, l'air sournois et méchant, parlant entre ses dents. C'est à peine si on avait pu distinguer qu'il s'appelait Gros Bergès, avec l'étrange prénom de Noé, patron de la vigne et de l'alcool, du département de l'Aube. De domicile, point. De moyens d'existence, pas davantage. Sans travail, ne fournissant aucune référence sur son passé, inconnu au casier judiciaire. Les agents ne le chargeaient pas trop, pris d'une vague pitié pour ce poivreau, en marche d'alcoolisme. Le président, indulgent, lui tint un petit discours quasi paternel, l'engagea à perdre ses habitudes d'ivrognerie, à travailler, et finalement ne lui infligea qu'une peine relativement bénigne, 2 mois de prison. Mais cette brute, loin de se montrer reconnaissant d'une indulgence assez rare, entra dans une rage folle et criant avec un accent outrageusement méridional, invectiva le tribunal dans les termes les plus grossiers et finalement, arrachant une espadrille de ses pieds, la lança à la tête du président. Fouinard, qui était sur le point de s'en aller, resta curieusement. Le tribunal, statuant immédiatement sur le délit d'outrage au magistrat, condamna le forcené à une peine supplémentaire de 6 mois à 8 mois. Ceci parut lui tomber sur la tête comme une douche d'eau glacée. « Merci, messieurs, » prononça-t-il d'une voix ironique. Il suivait docilement les gendarmes qui l'emmenaient. Après avoir, comme toujours, pris quelques notes sur son calepin, Fouinard dit à Justine. C'était, on le sait, le nom d'amitié qu'il donnait à sa canne, son inséparable ami. « Ma vieille, plus rien à faire ici, pas vrai ? Tu as envie de prendre l'air, moi aussi, filons. » Il se retrouva dans la grande salle extérieure et se dirigea vers la porte de sortie quand il se sentit frappé sur l'épaule. Tandis qu'une voix grasse lui disait « Eh bien, mon cher monsieur Fouinard, qu'est-ce que nous faisons par ici ?»« Tiens, c'est vous, monsieur Charlet » fit-il sans se retourner. En effet, c'était bien le chef de la sûreté qui s'était livré à cette apostrophe. « Vous avez l'oreille fine, » dit le policier, « vous avez reconnu ma voix ?»« Mais oui, j'ai la mémoire auditive très développée. Qualité de premier ordre. Ah ça, venez-vous chercher par ici quelques nouvelles proies ?» pour votre si remarquable perspicacité. « Ne vous moquez pas de moi, » dit Fouinard. « Je viens ici simplement flâneur. »« Je veux bien le croire, puisque vous le dites. » Mais on ne m'ôtera pas de la tête qu'après votre étonnante, je dis étonnante, expédition des faux-monnayeurs, dans cette sinistre affaire de l'étranglais de la Porte Saint-Martin, vous ayez été mis en goût et ne demandiez qu'à vous lancer dans quelque nouvelle aventure. « Ah, vous vous trompez tout à fait, » dit Fouinard. « Ce rôle de détective amateur n'a rien pour me plaire. Si je me suis laissé entraîner dans l'affaire dont vous parlez, c'est qu'il s'agissait d'un pauvre garçon que j'avais connu et que j'avais toute raison de croire innocent. Et puis... qu'ai-je fait, après tout? J'ai compté sur le hasard qui m'a admirablement servi, rien de plus. Ne faites donc pas tant le modeste, repartit le policier. Croyez-vous, ajouta-t-il, en baissant un peu la voix, que je n'ai pas apprécié à sa valeur le service que vous m'avez rendu si discrètement? Je ne suis pas un ingrat, croyez-le bien, et je vais vous en donner la preuve. En vérité, dit Fouinard, légèrement goguenard, je vais vous faire connaître avant tout le monde un beau crime qui ne sera que dans les journaux de ce soir. Ah bah, une primeur. Justement. Et un bel assassinat, je vous prie de le croire. Fait très habilement et qui n'a été découvert que ce matin. Quand a-t-il été commis? Très probablement il y a 3 jours. Nous sommes au 6 août. L'homme a dû être tué dans l'après-midi du 3. L'assassin est arrêté? N'allons pas si vite en besogne. On en est aux constatations. Et justement... je m'en vais de ce pas assister le juge d'instruction qui doit arriver sur les lieux à 2 heures. Voulez-vous venir avec moi? Vous passerez pour un inspecteur. Je veux vous donner une nouvelle occasion de me prendre en flagrant délit de gaffe. Fouinard rit à son tour. Vous avez peut-être tort de me défier. Oh, vous ne manquez pas d'amour-propre pour une victoire. Allons, c'est dit, je vous emmène. Ils étaient arrivés sur le quai. Monsieur Charlet est là un taxi. Rue du Mont-Tabor, numéro 16, et rondement.